Pour écouter des livres audio lesbiens, ou lire en ligne, gratuitement, de nombreux e-books d'écrivaines lesbiennes connues, cliquez sur l'adresse internet écrite, plus bas, sur cette page.